Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Cien de Cine. En esta ocasión os ofrecemos unos fragmentos de la rueda de prensa que ofreció Carol Buquet en Barcelona con motivo del homenaje que le está realizando en la ciudad la Filmoteca de la Generalitat y el Institut Francès de Barcelona. Depuis hier, je parle beaucoup de ça, mais c'est normal et je suis content. De parler de lui, j'ai pas de problème pour répéter, parce que forcément on me pose beaucoup de questions quand je suis en Espagne sur Buñuel, mais partout dans le monde. Et c'est normal, puisque c'est un des grands, grands maîtres du cinéma, un des grands créateurs vraiment artistiques, le cinéma étant une expression artistique de temps en temps, pas tout le temps. Je m'en souviens comme... un cadeau que m'a fait la vie, que je ne comprends toujours pas, c'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi on m'a fait, il m'est arrivé ce cadeau-là, cette chance incroyable qui est que le jour où vous dites pratiquement que vous souhaiteriez être actrice, et j'avais 18 ans, quelques jours après, l'un des plus grands artistes de ce métier vous demande de travailler avec lui. Ça a changé ma vie, complètement. Ça m'a appris tout, je dirais, pas de façon théorique, mais ça m'a appris mon métier très rapidement, puisque j'étais confrontée à quelque chose de très difficile. C'était la première fois que je faisais un film. Et forcément, comme c'était la première fois, en même temps, j'avais très peur. Mais j'ai appris, malgré la peur, malgré la terreur, à être capable, malgré le trac terrible de jouer devant une caméra. Je me suis rendu compte après que beaucoup d'acteurs étaient dans mon cas, c'est-à-dire que les 10 premières années de notre métier, en fait, on est très souvent des gens très timides et qu'on fait un effort qui semble fou à d'autres, puisque on est terrorisé devant la caméra les premières années, on est terrorisé quand le rideau se lève au théâtre, et pourtant on le fait quand même. C'est un des vraiment les paradoxes de l'acteur, c'est-à-dire malgré la peur qui est très violente, on y va. Donc je pense que si on est capable de faire ça, c'est que le désir est très grand, même si on le comprend pas. Le désir doit être immense de le faire parce que sinon, normalement, on doit se sauver. Quand on dit moteur, la première fois, les premières années, ou quand le rideau se lève au théâtre, la seule envie qu'on a, c'est normalement de disparaître sous terre, et pourtant, on le fait. Donc, la réponse est que mon désir devait être très, très fort. Je ne le sentais pas comme ça. J'avais pas l'impression que je désirais à ce point-là être actrice. Moi, j'avais l'impression que c'était un concours de circonstances. Je ne crois pas que ça soit ça. Des d'ahir em parlo molt d'en Manuel, em repeteixo, però no m'importa perquè sé que quan vinc a Espanya em feu moltes preguntes sempre sobre Manuel. Jo crec que és un gran creador artístic, el cinema en general és una gran creació artística, o com a mínim de començant. Jo crec que ha estat un regal de la vida, encara no sé per què m'ha arribat a mi, però tenia 18 anys tot just, acabava de dir que volia ser actriu i bé, de fet, rodar amb ell em va canviar la vida. No teòricament, però sí que m'ha ensenyat el meu ofici, era la meva primera pel·lícula, perquè em tenia moltíssim, sentia moltíssima por, i vaig anar aprenent l'ofici, malgrat la por, malgrat el terror que sentia per actuar, malgrat el pànic escènic, i crec que aquest pànic escènic el senten molts actors com jo. Els primers anys, tots, la majoria de nosaltres som molt tímids, estem en realitat aterroritzats davant d'una càmera o a darrere del teló. És un, crec que és el gran paradoxa de l'actor. I el que ens permet portar-ho o tirar endavant és que tenim un desig, sentim un desig molt gran, un desig immens, perquè si no fugiríem, quan sentiríem motor o s'aixecaria el taló, fugiríem. El que volem és desaparèixer sota terra. Per tant, crec que la resposta és que sentia un desig molt fort, tot i que en el seu moment no ho sentia com a tal, sinó que en el seu moment considerava que era una conjunció de circumstàncies. Heureusement, je n'ai plus le trac. Heureusement, parce que c'est invivable. J'ai plus peur parce que j'ai pas peur d'être mauvaise. Comment vous dire? Si je suis mauvaise, si c'est pas bon, tant pis. La force maintenant, étrangement, l'humilité des acteurs. C'est un métier où on a notre nom en très grand quelquefois sur des affiches et en même temps, on sait bien que c'est très fragile et que ce que vous verrez sur la pellicule dépend pas que de nous. Donc on se montre soi-même et au bout d'un moment on accepte de dire bah voilà c'est ça que je sais faire et quelquefois aussi je sais pas faire. J'ai plus peur de pas savoir faire. Tant pis. Et je ne sais pas comment faire une scène. Quelquefois, j'y arrive pas même. Ça ne me fait plus peur. Je dis, j'y arrive pas. J'arriverai peut-être dans une heure, j'arriverai demain, ou je ne suis pas arrivée et j'arriverai la scène de demain sera mieux. Ou au théâtre, ce soir, c'était pas très bien. Je ne suis pas très contente. Ça sera mieux demain. C'était mieux hier. Maintenant c'est comme ça que je pense, heureusement. Donc c'est aussi pour ça peut-être que je joue mieux, c'est parce que la peur rétrécit, la peur vous empêche de vous exprimer. Donc j'ai plus de liberté, oui c'est sûr, aujourd'hui que il y a des années. Heureusement, ça sert à ça le temps qui passe et l'expérience, parce que sinon. Per sort, ja no tinc aquest pànic escènic. Ja no tinc por perquè no tinc por de no fer-ho bé. Ara més com igual, sabem tots que tenim els noms que estiguessin grans en els pòsters i alhora sabem que tot això és molt fràgil i que la pel·lícula no depèn només de nosaltres, el que veureu no és només l'actuació d'un actor. També perquè accepto dir això no ho sé fer, fins aquí arribo, on arribo, de vegades no sé com rodar una escena, però penso potser d'aquí no ho sabré, o realment aquesta escena no em surt, la de demà ja em sortirà millor, si estem al teatre, podria dir, doncs avui no ha sortit bé, però ahir o demà anirà tot millor. I així és com penso ara, i potser o segurament és per això que surt millor, perquè la por, de fet, el que fa és impedir expressar-se. I quan un s'allibera aquesta por, se sent molt més lliure. Jo ara em sento molt més lliure que fa anys, i per tant és gràcies a aquesta experiència, aquest pas del temps que alguna cosa havia de servir. Et ce que j'ai appris, c'est que si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de réponse ou d'idée, il faut ne rien faire. Ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de ne rien faire, de laisser, si vous êtes au théâtre, les mots faire pour vous, ou la situation faire pour vous. La même chose au cinéma, vous jouez la scène à ce moment-là sans y penser. Et c'est une des réponses quand on n'a pas, je pense, une idée par exemple sur une scène ou sur une difficulté à un moment donné de comment jouer. Il ne faut pas essayer de provoquer absolument, je pense, une manière de jouer. Il faut au contraire se mettre en retrait et laisser faire, c'est-à-dire laisser que le corps, presque, je dirais, parle tout seul et que les choses vous échappent. que vous les contrôlez, vous n'allez pas les contrôler et que ça fonctionne aussi comme ça, bien sûr, pour les acteurs. C'est-à-dire que c'est un mélange de choses que vous ne contrôlez pas, que vous laissez partir, qui vous échappent, et de choses que vous construisez. Mais c'est en balance. Et quelquefois, la balance n'est pas très bien, elle est pas très équilibrée. Mais il faut, je crois que dans ces cas-là, il faut laisser faire. I après, que si no se sap o no es té idea de com fer una cosa, no s'ha de fer res, s'ha de tenir el valor de no fer res. El teatre, si passa al teatre, doncs s'ha de deixar que les paraules flueixin, parlin, diguin el que han de dir, si estem al cinema, s'ha d'actuar potser sense pensar tant en aquella escena. Jo crec que aquesta és una de les respostes de quan, per quan no es té una idea concreta sobre com rodar o com fer una escena. No s'ha de provocar, i crec que això és una manera d'actuar, s'ha de fer una determinada distància, i també s'ha de deixar que el cos parli i no voler controlar-ho tot, controlar totes les coses, i així és com funcionem els actors. És una barreja, per tant, de no control i de construcció. És una balança que no sempre està equilibrada, però és una balança. Poco a poco, lamentablemente, nos estamos quedando sin mitos, ¿no? En cualquier tipo de cinematografía. Yo no sé si Carol Burgess decía unos años si cree que lo verán como un mito, qué cualidades tiene que ver de lo que dice una persona pues, para que realmente se la considere como tal, ¿no? Je ne le serai pas. Vous pouvez traduire. Là. No seré capmita. Je ne veux pas l'être. No vull ser-ho. Ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mai ha estat un somni per mi. Parce que c'est pas ça pour moi faire mon métier. Mon métier, c'est de raconter des histoires. Et d'aider un metteur en scène à réaliser son projet, son rêve. Mais pas de faire fantasmer le public sur qui est Carol Burgess. Ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve pas que ça soit dommage, pour vous dire la vérité, qu'il n'y ait plus des images mythiques comme autrefois. Le cinéma ne peut plus être, ne peut pas être un miroir d'une vie imaginaire à qui plus personne ne croit. C'était ça qui faisait les mythes. C'était un imaginaire très différent de la réalité. Le cinéma est devenu, je pense, entre autres avec le néo-réalisme vraiment italien, un reflet aussi vraiment de la réalité. C'est devenu possible. Ce n'est pas que ça, heureusement, puisqu'il y a beaucoup de manières de faire du cinéma. Mais moi, je ne regrette en rien, ni pour moi, ni pour ceux qui feront ce métier après, ce que vous appelez la starification. Je n'y trouve aucun profit pour l'acteur lui-même, ni pour les spectateurs. Je n'y vois qu'un temps différent, et je suis contente que ce temps n'existe plus. Au contraire. El meu ofici és explicar històries i ajudar el director a fer el seu projecte o a realitzar el seu somni. El meu objectiu no és fer realitat les fantasies del públic sobre qui és que pot buquer. Això no m'interessa en absolut ni m'ha interessat mai. I no em sembla una llàstima que ja no hi hagi mites com abans, perquè el cinema no pot ser un mirall d'una vida imaginària en el que ja no creu ningú. El cinema, i això ha passat més amb el neorealisme italià, és el reflex d'una realitat, però no és només això. I no em sap greu en absolut, ni per mi ni pels actors que vindran al futur, que ja no hi hagi aquest sistema de fer vedets, fer estrelles, fer stars. Jo crec que això no porta cap profit ni per l'actor ni per l'espectador, i per tant m'agrada que aquest temps ja no sigui... Ya no sé si ya no sé ni qué es lo que es. Mais je ne suis pas naïve au point de penser que il n'y a pas un rapport, bien évidemment, de séduction et de fascination entre le public, les acteurs. Moi-même, je fonctionne comme ça par rapport aux autres acteurs. Je suis dans cette position-là aussi quand je vois un acteur qui me plaît. Je l'identifie quelquefois au personnage. Je l'identifie au rôle qu'il joue. Je crois que c'est lui, moi aussi. Donc, mais ça, c'est mon métier de vous faire croire. Donc, je fantasme moi aussi sur les acteurs que je vois. Mais ce fantasme n'est pas prolongé, je dirais, après, ni même entretenu en tous les cas par moi, par une recherche sur une imaginaire que je pourrais avoir sur cet acteur-là. Mais je sais que le métier que je fais est fait d'images et que les images font rêver, bien sûr. Sinon, je faudrait que je change de métier si je ne savais pas ça. Però tampoc soc ingenua fins al punt de pensar que no hi ha una relació de seducció o de fascinació. Jo també ho faig quan estic en aquesta postura, quan veig un actor que m'agrada, sí que l'identifico amb el paper i entenc que en el meu ofici passa. El que no faig és prorrogar les fantasies. Són fantasies curtes sobre el que veig. I el que no hi ha, en tot cas, és una recerca sobre l'imaginari d'aquest actor. Però entenc que no, si no m'entendria el meu físic, que les imatges formen part d'aquest món del cinema i de la producció. Perquè ce sont vraiment deux choses complètement séparées. Vous pouvez avoir des acteurs ici qui ne travaillent plus du tout, et qui continuent dans l'imaginaire des gens à être mythiques. Le mot que vous employez, j'aime pas trop employer mythique pour des acteurs. Pour moi, le mythe, ça fait référence à l'Antiquité. Hein. Mais bon, des figures comme ça qui font fantasmer. Mais vous pouvez continuer et sans pour autant travailler. Donc c'est un désastre. Donc ce n'est pas souhaitable. Je veux dire, c'est pas une position souhaitable. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je puisse continuer à travailler, à faire des films, mais pas à faire des interviews, pas à faire des couvertures de journaux, et pas à parler de moi. Je ne peux pas dissocier l'un de l'autre, parce que je ne peux plus faire de films sans faire de la presse. Mais mon but, c'est pas qu'on parle de moi, c'est de faire des films, c'est de faire du cinéma. J'aime le cinéma, vraiment, encore plus que le théâtre, d'ailleurs, vraiment, et pour des raisons qui me sont personnelles. Mais, donc j'ai envie de continuer à faire du cinéma. Et surtout pas, l'idée c'est pas que les gens me reconnaissent dans la rue, c'est de continuer à faire du cinéma. Alors, plus je fais du cinéma, bien sûr, plus les gens me reconnaissent dans la rue, chez moi. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Et je voudrais surtout pas qu'à un moment donné, les gens continuent à me regarder dans la rue et m'identifient très rapidement sans pour autant travailler, ce qui arrive à beaucoup d'acteurs, qui pour moi est bien sûr désolant. Je ne souhaite pas ça du tout. Els actors mítics que ja no treballen i segueixen sent mítics, a mi em sembla un desastre, tot i que la paraula mític, mite, no m'agrada fer-la servir pels actors per al món del cinema. Per mi un mite és una cosa d'antiquitat. Jo crec que això és un desastre i no es pot controlar. Per mi el que és important és seguir fent pel·lícules, no fer entrevistes, no fer les portades de les revistes o dels diaris o ni tampoc parlar de mi, però no puc fer pel·lícules sense parlar de mi. A mi m'agrada el cinema, però sent més el cinema que el teatre, i vull seguir fent pel·lícules, però no m'interessa que la gent em segueixi reconeguent, em reconegui pel carrer, però una cosa va lligada a l'altra. I el que no voldria de cap manera és que la gent em reconegués pel carrer, però que jo no treball, no, ja no ja hagués deixat de treballar. Això sí que em sembla horrible. Comment avez-vous fait ce blindage du pirate? On n'arrive pas à se... c'est quand la presse typhoge, les paparazzi rentrent dans votre vie, c'est une vraie agression. Et on n'arrive pas vraiment à s'en protéger. C'est pas vrai. Chaque fois un électrochoc bien plus violent pour ma famille ou pour mes amis ou pour mes proches que pour moi. Moi, je suis habituée maintenant. Pour les gens près de moi, c'est très très violent. Pour mes fils, par exemple, c'est épouvantable. Et en même temps, je sais bien que je suscite un peu de curiosité, que ma vie privée avec un acteur très connu est normal que ça suscite la curiosité, je sais ça. Donc je ne me cachais pas, je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'interviews, beaucoup des premières, je jouais le jeu de le faire publiquement sans faire semblant de dire non, je veux pas, j'ai pas ce rapport-là moi avec la presse, même la presse people. Simplement, ce qui est vraiment du domaine de ma vie privée est interdit et je n'ai jamais joué avec la presse people. Jamais, jamais je n'ai négocié une couverture, une photo avec ma vie privée depuis 30 ans. Rien avec mes enfants, rien avec ma vie privée. Tout ce qui a été fait et vraiment été fait malgré moi, et même pour une sortie de film, si je suis fâchée avec un journal parce qu'il a fait quelque chose qui ne me plaisait pas avant, je ne vais pas recommencer à travailler avec lui parce que j'en ai besoin. J'ai un rapport pour ça, moi, très clair. Donc, je me fâche quand... Mais bon, ça ne les empêche pas de chercher quand même des informations. Mais je ne joue pas avec eux, donc je ne veux pas qu'ils rentrent dans ce territoire. Après, une fois que j'ai dit ça, je fais ce que je peux pour me protéger. Parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui en souffre le plus. Moi, je vois bien que quand les gens me reconnaissent, par exemple, en France, pas ici, mais bien sûr en France, tout le temps, c'est comme si ils faisaient partie de ma famille. Les gens ont l'impression de me connaître très très bien, donc où que j'arrive, ils m'identifient peut-être à quelqu'un de leur famille. Pour moi, c'est pas du tout agressif, c'est même très agréable. C'est un sentiment de familiarité, c'est pas du tout quelque chose de désagréable. Pour les gens qui sont avec moi, c'est pas du tout agréable. Il y a une distorsion. Qui est très désagréable pour ma famille qui pourtant, je parle de mes enfants, ont grandi dans le cinéma mais même pour eux, c'est violent. Quan la premsa del cor, els paparazzis entren a la vida privada, a la meva vida privada, és com una agressió, és com una agressió, que segurament és més violent per la meva família i els meus amics que per mi mateixa, jo ja estic acostumada. Però pels meus, la gent que més propera, pels meus parents sí que és extremadament violent, pels meus fills és espantós. Jo sé que desperto aquesta curiositat, que la meva vida amb un actor conegut ha fet que se susciti aquesta curiositat. Però jo no he jugat mai a aquest joc. No tinc relació amb la premsa del cor, mai ho tinc prohibit que entri en la meva vida privada perquè jo no hi he jugat mai en 30 anys he negociat cap foto, cap portada de la meva vida privada. I per tant no accepto que ells entrin a la meva vida privada. Quan estic enfadada en un diari, per exemple, per coses que hagin fet abans, encara que els pugui necessitar per una estrena, per un tema concret, no hi torno a treballar. No, per mi he fet una creu. No hi jugo i per tant no vull que entrin al meu territori. Jo faig el que puc per protegir-me quan la gent em reconeix, que és sempre a França, a tot arreu on vaig em reconeixen i per mi és com si, per aquesta gent és com si jo fos de la seva família i em tracten amb molta familiaritat, per mi és agradable. però per la gent que m'acompanyes no és gens agradable, perquè hi ha una mena de distorsió, i fins i tot per la meva família, per molts fills que hem crescut en el món del cinema, ho viuen de manera molt violenta. Si ça a l'air splendide, c'est parce que c'est mon métier. C'est mon métier de vous faire penser que c'est splendide. Je ne vous en dirai pas tellement plus, mais ça ne l'est pas. Mais par caractère, et aussi parce qu'encore une fois, c'est mon métier, je vous fais croire que c'est splendide. Si sembla que és esplèndid, és perquè és el meu ofici, no perquè ho sigui realment. No entraré més en detalls, però per caràcter i perquè és el meu ofici, us he de fer pensar que és esplèndid. No, però jo em preferia que ella se la veu aquí, que es diu de manera. Oui, je sais, je vous réponds encore, l'air que j'ai, c'est mon métier. Ça ne veut pas dire que je suis comme ça à l'intérieur, mais mon métier est de me présenter d'une certaine manière ou de vous faire croire à certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et la vérité, vous pouvez l'imaginer, elle n'est pas différente pour moi que pour les autres actrices ou que pour vous, avec le temps qui passe en étant une femme, ou pour toutes les mères qui ont des enfants qui partent. La vérité, elle est la même. Ma vie n'est pas différente de la vôtre. Je fais du cinéma, c'est ça qui est différent. On est là, vous me posez des questions, c'est la seule chose différente. La vérité, la vie, la manière de ressentir les choses n'est pas différente. Elle est la même. Après, mon métier, c'est de présenter. Mon métier, c'est aussi de me faire voir. Et je ne vais pas vous faire voir quelqu'un aujourd'hui qui a des doutes, qui souffre, qui a des inquiétudes. Ça, si je le fais, ça sera sur l'écran pour un rôle. Dans la vie, pour vous répondre, j'essaye d'être... le plus disponible possible. Voilà. Insisteixo, és un aspecte, és una aparença. No sóc així interiorment. El meu ofici fa que jo em presenti així. I això no vol dir que jo sigui així en realitat. Com som jo en realitat ho podeu imaginar, perquè és igual per totes les actrius, per totes les dones, per totes les mares que tenen fills que se'n van. I l'única diferència és que jo faig cinema. I la veritat, o la meva vida, o la manera de sentir és exactament la mateixa que les altres persones. Simplement, el meu ofici fa que em veuen d'una manera diferent i que jo deixo veure una imatge de mi. Però això no treu que jo potser avui tinc dubte, pateixi, tinc les meves inquietuds, però en tot cas, aquests dubtes, aquestes inquietuds, aquest patir, només els veureu en un paper al cinema, a la pantalla. Però a la vida he de demostrar i de fer veure que això és disponible. Et ce que je peux simplement dire, c'est que, contrairement à ce que je croyais quand j'étais très jeune, le temps qui passe ne rend pas plus fort, il rend plus fragile. C'est une surprise. Pour moi, je ne croyais pas ça quand j'étais jeune. Je croyais que je serais de plus en plus forte. Je me rends compte que je suis, avec le temps, de plus en plus fragile. Mais, encore une fois, mon métier, ce n'est pas de parler de moi et de vous montrer ma fragilité. C'est de raconter des histoires des autres et de me servir de qui je suis sur l'écran pour peut-être raconter la complexité d'un personnage. Mais dans la vie, quand je vous parle, c'est ça, mon métier n'est pas de vous montrer ma fragilité. Escolta, la meva que pensava quan era jove, el temps que passa no fa que siguem més forts, sinó al contrari, molt més fràgils. I el meu ofici no és parlar de la meva possible fragilitat, sinó explicar-vos històries dels agents, explicar-vos la complexitat dels personatges, però sempre dels altres, no pròpia. Corrida la meva, no m'ha tenido fiel al cine europeo. No le ha interesado el cine americano, no le ha interesado el cine C'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas ça. C'est, je crois, pour bien travailler, parce que quand j'avais 18 ans, je rêvais d'être une bonne actrice. Donc, à un moment donné, je suis allée vivre à New York, j'avais 20 ans, le film de Buñuel venait de sortir, et j'ai eu, à ce moment-là, beaucoup de propositions, des choses, certaines, qui se sont faites, qui étaient assez belles, que je n'ai pas faites. Mais je ne les ai pas faites parce que je me suis dit, je vais les faire comme une étrangère. Alors, j'ai deux solutions. Ou je reste dans ce pays, l'Amérique, et je deviens américaine, pour que je puisse travailler cette langue et que je puisse travailler aussi ce fait que les gens doivent vous identifier avec quelque chose qu'ils ont en commun avec vous et qui vient aussi de votre culture. Ou je rentre chez moi et j'apprends mon métier avec ma langue, avec ce que je connais de mon langage, encore une fois, oui, de ma culture et de ma langue. Et j'ai choisi de faire ça. Je suis rentrée vraiment en France pour ça, pour pouvoir travailler parce que sur la langue. Pour vous donner un exemple précis, dans une langue étrangère, peut-être c'est complètement différent si vous naissez complètement bilingue, ce qui n'est pas mon cas, mais dans une langue étrangère, quand vous dites une table, elle ne vous vient pas immédiatement physiquement dans l'imaginaire. C'est un mot. Il n'y a pas l'image qui vient quand je parle en français. Quand je parle d'émotion, quand je parle même d'objets, encore une fois, en français, ils sont dans ma tête conceptuellement, ils existent. Dans une langue étrangère, il se crée toujours une distance entre les mots que j'emploie et le moment de la traduction presque dans mon cerveau. Ce qui fait que je ne peux pas jouer, j'ai essayé, aussi bien dans une langue étrangère qu'en français. Je n'ai pas du tout la même liberté et je pense aussi que le public, les gens, ont besoin de s'identifier avec quelque chose qui m'échappe, qui nous appartient. Et je n'ai pas grand-chose, et je n'avais pas 20 ans, et je n'ai encore moins aujourd'hui, quelque chose qui m'appartient du continent américain. Je suis vraiment très européenne. El que va passar és que per treballar bé, crec que amb 18 anys el que volia ser jo era ser una bona actriu. I amb 20 anys vaig anar a Nova York a viure i em van fer propostes de coses que després van fer i que eren boniques, que estaven bé, però vaig pensar que o ho feia com a estrangera o bé m'havia de quedar en aquell país i havia de fer-me americana, havia d'esdevenir americana d'alguna manera, perquè la gent es pogués identificar amb mi. I per tant vaig decidir tornar a casa, aprendre el meu ofici a casa per poder treballar amb la meva llengua, la meva cultura. I és per això, concretament, que vaig tornar a França, perquè us donaré un exemple molt, molt concret, i és que en un idioma estranger, a no ser que neixi bilingüe, que no és el meu cas, quan pensem en la paraula taula, immediatament en l'imaginari ens ve la imatge d'una taula. Quan parlo d'emocions i objectes, el meu cap conceptualment apareixen aquestes paraules, aquests conceptes. En canvi, en una llengua estrangera, entre el moment que dic la paraula i el moment que apareix la imatge, hi ha una distància. Jo he intentat actuar en idiomes que no eren els meus, però he notat que no tenia la mateixa llibertat. I que el públic tampoc s'identifica de la mateixa manera, perquè el públic necessita alguna cosa amb la que identificar-se, alguna cosa que li pertanyi. I amb 20 anys menys que ara, jo no tenia coses per identificar-me amb els americans, soc profundament europea. Et ce n'est pas une critique de l'Amérique, c'est simplement que en Europe, je me sens un peu partout chez moi. Je comprends mieux comment, je crois que je comprends mieux comment les gens pensent, que je sois en Suède ou en Espagne, de par cette culture commune que l'on a depuis des siècles ensemble, que quand je vais en Amérique, j'ai un temps d'adaptation, ou en Asie, pareil, où j'ai un temps d'adaptation qui est plus difficile pour moi. Heureusement, nous partageons des choses qui sont universelles sur Terre, mais je pense que quand, pour les partager, l'universel doit partir de racines. D'un point précis, il faut appartenir à un endroit pour pouvoir aller ailleurs, je crois. Et après, décider d'être déraciné, je dirais, dans le cinéma est très difficile. C'est possible, vous avez des grands metteurs en scène qui l'ont fait, Miloš Forman. Mais c'est très difficile. Il a fallu pour ça qu'il devienne, tout en restant tchèque, mais il est devenu américain, il a fallu qu'il s'adapte et il a eu énormément de mal. Les premières années arrivées à New York, il est resté couché à apprendre la langue tout doucement pour essayer de, je pense, physiquement comprendre. Pas seulement intellectuellement, mais c'est une adaptation. Et un acteur étant quelqu'un de très physique, le problème de la langue, du langage, est un réel problème. Comme une matière qu'on travaille. Comme c'est pas un concept, hein, c'est une matière, le langage. No és una crítica als Estats Units, però jo a Europa em sento a casa gairebé hereu d'Europa. I crec que entenc millor el que pensa, com i el que pensa la gent, perquè aquesta cultura la tenim en comú. Tant als Estats Units com a Àsia, a més ha sigut un temps d'adaptació i més o menys difícil, però tanmateix hi ha coses universals que compartim tots. Jo crec que les arrels són molt importants, hem de pertànyer a un lloc per poder anar-se'n a un altre lloc i en el cinema perdre les arrels és una cosa molt difícil, és una cosa que han fet poquíssima gent perquè potser ha fet Miloš Forman, que és un senyor txec, que segueix sent txec, però també ara és americà i la seva adaptació va ser molt lenta. Els primers anys que vivia a Nova York els va estar estirats, aprenent l'idioma molt lentament, de manera molt física, per entendre, no només intel·lectualment, sinó molt físicament aquest idioma. Un actor és una persona que és molt física i per tant per ell l'idioma, la llengua, és un problema real. És una cosa material, no és un concepte, l'idioma. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué posibilidades? Alors, je connais très mal le cinéma espagnol en ce moment parce que en France, maintenant, sort très peu de films espagnols. On a bien sûr Almodovar, mais on n'a pas d'autres cinémas espagnols comme il y a 30 ans où les films italiens, espagnols, allemands sortaient beaucoup, il y avait une grande visibilité. On en a très peu en France. Donc je ne peux vraiment malheureusement pas vous parler du cinéma espagnol, il faudrait... Et quand je viens de parler de la langue, qu'est-ce que je pourrais jouer en Espagne avec un metteur en scène espagnol? Un rôle d'étrangère. il faudra qu'elle soit une étrangère. Parce que je puis jouer, moi, avec ma difficulté de parler. J'ai fait un film en Argentine l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai parlé espagnol comme je le parle, mal. C'est pour ça qu'elle traduit. Mais je m'en suis servie, parce que je m'en suis servie dans le jeu, vraiment. Et dans comme une gêne, justement, comme une difficulté de communication, et ça tombait bien, puisque c'était un personnage très solitaire et qui avait des difficultés de communication. Sinon, je n'aurais pas de liberté avec l'espagnol. J'en aurais si je m'y mets maintenant, et dans 10 ans, en travaillant tous les jours, et je ne sais même pas si je pourrais y arriver. Bien sûr, moi j'adore venir travailler à l'étranger et encore une fois particulièrement en Europe. Mais il faut trouver les rôles adaptés et il est normal que ce soit les Espagnols qui fassent des films espagnols plus que moi. Donc peut-être un jour il y aura un rôle d'une étrangère. Mais pour ça, il faut que ça soit un rôle d'une étrangère. Je ne peux pas jouer le rôle d'une espagnole. Ça, c'était au moment du cinéma muet. Voilà. Mais maintenant, je ne peux plus. Vraiment pas. Conec molt malament el cinema espanyol perquè ara a França no arriba, no s'estrenen molt poc aquestes pel·lícules. Ens arriba el Modóvar i poca cosa més. En canvi, fa 30 anys sí que hi havia molta visibilitat del cinema italià, del cinema espanyol i d'altres nacionalitats. Per tant, no us puc parlar del cinema espanyol. Però jo què podria fer en una pel·lícula aquí, en paper estrangera, per poder actuar perquè jo tinc aquesta dificultat de parlar. Fa com 20 anys vaig fer una pel·lícula argentina i jo parlava malament en castellà, però formava part del meu paper, del meu joc, aquesta dificultat de comunicació, anava en paral·lel amb el personatge, era una persona molt solitària. Ni que em posés ara, si ja quedaria castellà, potser d'aquí 10 anys podria fer alguna cosa, i fins i tot així no n'estic segura. A mi ja m'agrada, ja m'agradaria que ho fora, però crec que és normal que siguin actors espanyols que siguin pel·lícules de directors espanyols. Això de Bonnet era possible o abans, quan era cinema mut, però ara ja no es pot. Vous découvrez ça maintenant. Et ça, c'est un bon anecdote dans le passé, non, tout ce que vous lisez n'est pas vrai. Non, j'avais des participations dans un restaurant, je ne l'ai plus. Tenia participacions en un restaurant, però ja no les tinc, ja no hi participo. Ah, no, jamais, nunca. Non. J'ai assez de travail avec le cinéma et à propos d'expatriés ou de langues étrangères, de territoires et de la terre que j'ai et en Sicile. Ja tinc prou feina amb el cinema i com a expatriada, com a llengua estrangera o tot això, el que tinc és unes terres a Sicília. Je vais vous répondre que mon amour de la vie, de la nourriture, du vin, ne vient pas de Gérard Depardieu. El que li contestaria és que el meu amor per la vida, per la gastronomia, pel vi, no ve de Gérard Depardieu. Heureusement, je l'ai découvert avant. Per sort, ho vaig descobrir abans. Eh bien, tout sauf les films d'aventure. les comédies, c'est très difficile à faire. Je crois que c'est la chose la plus difficile à faire, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc c'est très amusant à faire, parce que c'est un travail d'horlogerie un peu, c'est vraiment très, très précis, c'est intéressant à faire. Mais tout m'intéresse sauf les films d'aventure, parce que les films d'aventure, je veux bien les regarder, mais moi en tant qu'actrice, alors là j'ai rien à y faire. C'est très ennuyeux à tourner, c'est des effets spéciaux, c'est de l'entraînement physique, ça c'est pas pour moi. Je vais les voir, mais je veux pas les faire. James Bond, c'était très ennuyeux à faire. C'était une expérience que je ne pouvais pas refuser, et j'étais très curieuse. Et j'ai compris que ça ne m'amusait pas à faire. Ça m'amuse à voir, mais pas à faire. La pregunta era si quina de les películas que li agradaven fer més, i si sempre podia triar. I la resposta és que m'agrada fer de tot, excepte les películas d'aventures. M'agraden molt les comèdies perquè són molt difícils, contràriament al que se sol pensar. Les comèdies són molt divertides perquè per l'actor és un treball molt minuciós i per tant en aquest sentit és molt interessant i que m'interessa tot excepte les pel·lícules d'aventures perquè les trobo molt avorrides perquè impliquen un entrenament físic, uns efectes especials. La pel·lícula de James Bond va ser avorridíssima però va ser una experiència, no podia negar-me, no podia dir que no. M'agrada veure-les però no actuar-hi. Voy a hacer mi original en la pregunta. Es muy imagen durante varios años, lo pude echar en el recinto, confundido, y ahora tenemos el anuncio que fue hace poco, Nicole Kidman, que se dice que ha sido el anuncio más caro de todo el mundo, ha comprado la educación, súper desordenado. Yo no sé qué piensa que se quiere hacer un poco de Nicole Kidman, tiene que glamour que tanto los medios tanto rechazan. Je ne peux pas répondre à ça. Je trouve que c'est une actrice formidable. No puc contestar al que penses que és una actriu fantàstica. Donc, je sais que Chanel aime beaucoup travailler avec les actrices. Je trouve normal, parce que c'est le directeur artistique qui chez Chanel, choisit les actrices avec qui ils ont envie de travailler. Comme il adore le cinéma, c'est Jacques Ellul, le directeur artistique de chez Chanel. Je comprends tout à fait qu'il a été fasciné, je pense, on n'en a pas parlé, mais je suis sûre, il a été fasciné par Nicole Kidman comme actrice, et c'est pour ça qu'il se fait plaisir en lui faisant faire de la publicité pour Chanel. Sé que a Chanel li agrada molt treballar amb actrius, el director artístic és qui tria, en aquest cas és el Jack Ellul, i sé que li agrada molt el cinema, i segur que està fascinat per la Nicole Kidman com a actriu, i per tant ha volgut fer-se... Parce que je sais que Jacques Ellul est très très très cinéphile, il connaît très bien le cinéma depuis ses origines, donc c'est vraiment un amour très, voilà, très important pour lui. Donc c'est pour ça que ce qui le fait rêver, lui, ce sont les actrices. El Jacques Ellul és un cinèfil que coneix molt i molt bé el cinema des del seu diligence, és una persona que a qui li agrada moltíssim i per qui és molt important el cinema i per tant crec que és per això que ho ha fet i ha triat. L'última pregunta, per favor. Si te puedo preguntar sobre cómo ha sido el concierto que ha hecho el concierto. Sí, je peux vous dire que c'est un sujet très personnel pour lui, parce qu'il s'est identifié avec l'acteur pour lequel il a écrit le rôle masculin, ce qu'il n'avait pas fait depuis très très longtemps. Il n'avait pas trouvé d'alter ego, quelqu'un avec qui s'identifier et pour qui écrire. Et donc, de nouveau, ce scénario est très personnel, c'est-à-dire que Bertrand parle beaucoup de lui dans ce film et de ses rapports, en fait, de lui, de fils, avec son père et sa mère. Et beaucoup, beaucoup, les rapports et les émotions qu'il a eues avec sa mère. C'est le cœur du film où un jeune homme va rêver sa mère dans toutes les situations possibles, les plus terribles ou les plus joyeuses, qui puissent lui traverser l'esprit. És un tema molt personal per ell, perquè s'ha identificat molt amb l'actor que té el paper masculí, el protagonista, i el que és important és que, d'escom dir, no havia trobat fins ara cap alter ego, no havia pogut escriure per ningú que s'assemblés tant amb ell. I en aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula parla molt de d'escom dir, i és la relació, narra la relació de fill respecte al seu pare i la seva mare. Hi ha posat moltes coses personals, sobretot de les emocions i de les relacions amb la seva mare, i la pel·lícula, diguem-ne, que explica la història d'un jove que somia la seva mare en totes les situacions, siguin terribles, siguin felices, no plaer... Ça serait très long si je vous en parle vraiment bien, mais je suis très impliquée depuis 20 ans. C'est un travail, pas en ce moment, mais sinon, c'est un travail que je fais presque quotidiennement. Et c'est une association qui a 66 autres associations un peu partout dans le monde qui s'occupent de la protection de l'enfance, qui est très diverse selon les pays, c'est-à-dire les nécessités sont très diverses selon les pays, voilà. Après, si on commence à en parler, on en reste pour très longtemps. Fora molt llarg, si hi hagués de parlar bé profundament d'aquest tema, hi estic molt implicada des de fa 20 anys, ara mateix potser no tant, però era una feina quotidiana i és perquè una associació que és una mena de paraigües per 66 associacions que tracten temes de protecció de la infància amb les necessitats que van canviant evidentment segons cada país.